Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Jean 1, 9 à 10. 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Christ est la véritable lumière du monde. Il y a des siècles, le Saint-Esprit avait prédit sa venue par les prophètes. Les livres de l'Ancien Testament annoncent à maintes reprises la venue de Christ dans notre univers. Le prophète Ésaïe dit, « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Ésaïe 60, 2. Dans Jean 1, 9 à 10, le mot « monde » est répété 4 fois. Pour l'évangéliste Jean, le sens de ce mot est proche de la définition des ténèbres, car il écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » 1 Jean 5, 19. Au commencement, le monde n'était pas mauvais, car Dieu l'avait créé bon. Sa beauté et sa bonté remplissaient l'univers. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Genèse 1, 31. Dieu créa l'homme à son image, et sa gloire fut accordée aux ancêtres de l'homme, qui reflétaient la lumière du Créateur, tel un miroir. Mais à cause de l'orgueil, ils devinrent méchants et rebelles. Ils abandonnèrent leur communion avec Dieu et s'ouvrirent à l'esprit des ténèbres. Se distancer de Dieu rend toujours mauvais. Comme David le reconnut dans le psaume 14:1. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'évangéliste Jean témoigna cependant du fait que Christ est venu dans ce monde mauvais, tout comme le soleil se lève en chassant, petit à petit, les ténèbres devant lui. La lumière de Christ n'est pas entrée dans notre monde, tel un éclair aveuglant. Il est entré avec douceur, éclairant tous les hommes. Il n'est pas venu en tant que juge et bourreau, mais comme sauveur et rédempteur. Tous les hommes ont besoin d'être éclairés par Christ. Sans cela, ils resteront dans les ténèbres. Christ est la véritable lumière et personne d'autre. Celui qui accepte sa lumière par l'Évangile changera de caractère, deviendra bon et brillera sur les autres. Essayons de comprendre cette parole. Le Créateur est venu dans ce monde. Le propriétaire est entré dans sa possession et le roi s'est approché de son peuple. Qui se réveillera et préparera sa venue? Qui étudiera la vérité sur sa venue et ses buts? Qui est prêt à abandonner les buts vains de ce monde pour accueillir le Dieu qui vient? Qui va percevoir cet instant révolutionnaire et unique dans le temps au cours duquel Dieu viendra? Tout à coup, l'Éternel fut présent parmi les pécheurs. Il est venu dans la discrétion et la paix. Il ne voulait pas éblouir le monde de sa grandeur, de sa puissance et de sa gloire. Il révéla plutôt son humilité, son amour et sa vérité. Depuis le commencement de la création, l'orgueil provoque la chute de l'homme. Quant à Satan, il voulait être fort, glorieux et intelligent comme Dieu. Puis, Christ le Tout-Puissant est né. Le fragile et l'humble bébé fut couché dans une crèche. Avec son humilité, sa douceur et son obéissance, il remporta la victoire. Il est descendu jusqu'au niveau le plus bas de l'homme, afin d'élever chacun et de les sauver tous. Écoutez, vous, tous les hommes, après cette bonne nouvelle, nous apprenons malheureusement que le monde ne connaît pas la lumière et ne la comprend pas. Les hommes n'ont pas réalisé que le Fils de Dieu s'est approché d'eux et était présent parmi eux. Ils sont restés aveugles et fous. Malgré leur philosophie, leur science et leur génie, ils n'ont pas reconnu que Dieu lui-même se tenait devant eux. Ils ne connaissaient pas leur Créateur et n'ont pas accepté leur Sauveur et Juge. À partir de cette pénible vérité, nous pouvons en déduire un principe important dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu avec notre intelligence et nos capacités humaines seulement. Tout ce que nous apprenons sur l'amour de Christ est une véritable grâce et un don de Dieu, car c'est le Saint-Esprit qui nous appelle par l'Évangile, nous éclaire de ses dons et nous garde dans la vraie foi. Ainsi, nous devons nous repentir et ne pas dépendre de l'intelligence de notre esprit ni des émotions de notre âme. Nous tous avons besoin de nous ouvrir à la véritable lumière, tout comme les fleurs s'ouvrent aux rayons du soleil. De cette manière, la foi en Christ crée la véritable connaissance. Ce début de foi n'est pas de nous, mais il est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur en tous ceux qui lui obéissent. Prière. Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'être venu dans le monde. Tu n'es pas venu pour juger ni pour te venger, mais pour éclairer et sauver tous les hommes. Nous sommes aveugles et fous. Pardonne-nous nos fautes et donne-nous un cœur obéissant. Ouvre nos yeux et permets-nous de te voir. Ouvre notre âme aux rayons de ta douce lumière, afin que nous puissions vivre dans la puissance de ton Saint-Esprit. Question 10. Quelle est la relation entre Christ, la lumière, et le monde des ténèbres? Jean 1, 11 à 13. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le peuple de l'Ancien Testament appartenait à Dieu. Parce que l'Éternel s'était lié à ses pécheurs par une alliance, après les avoir purifiés, il les a dirigés pendant des siècles. Il a labouré leur cœur avec la charrue de la loi et les a préparés à recevoir l'Évangile. Ainsi l'histoire des descendants d'Abraham a été focalisée sur la venue de Christ. Son apparition était le but et la finalité de l'Ancien Testament. C'est un fait étrange que ceux qui ont été choisis pour accueillir le Seigneur Jésus l'aient rejeté et n'aient pas reçu sa lumière. Ils ont préféré vivre dans les ténèbres de la loi, avançant à toute vitesse vers le jugement. Ils se sont complètement privés de la grâce et ont aimé leurs œuvres plus que le salut en Christ. Ils ne se sont pas repentis, mais se sont endurcis contre l'esprit de vérité. Non seulement le peuple de l'Ancien Testament appartenait à Dieu, mais aussi toute l'humanité. Parce que le Tout-Puissant a créé les pierres, les plantes, les animaux et même tous les hommes. Pour cette raison, les peuples du monde assument la même responsabilité que le peuple de l'Ancien Testament. Notre Créateur et notre Maître veut entrer dans notre cœur et dans nos maisons. Qui l'accueillera? Vous appartenez à Dieu. Vous êtes-vous mis à la disposition du Seigneur? Aujourd'hui, La majorité des nations ne sont malheureusement pas prêtes à s'ouvrir à la lumière de Christ. Elles ne veulent pas bénéficier de ses rayons pour vaincre l'épaisseur de leurs ténèbres. Elles refusent donc le Fils de Dieu une fois de plus. N'importe quel descendant d'Abraham ou de l'homme en général qui ouvre son cœur à Christ et remet sa vie entre les mains du puissant Sauveur expérimentera un grand miracle, car la lumière céleste l'éclairera de la lumière divine et vaincra les ténèbres qui résident dans son cœur. De plus, la puissance de Dieu entrera dans son cœur et renouvellera son être intérieur. Christ vous délivre de l'esclavage du péché. Il vous accorde la liberté des enfants de Dieu. Si vous aimez Christ, alors le Saint-Esprit résidera en vous et commencera son œuvre de salut dans votre vie. Or, l'évangéliste Jean ne dit pas que nous deviendrons ou que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais que nous devenons ses enfants par la croissance spirituelle. Il y a une grande différence entre ces paroles, car celui qui croit en Christ entrera dans une nouvelle existence. En même temps, il se développera et mûrira pour atteindre la perfection dans sa vie spirituelle. La puissance du Seigneur a fait de nous une nouvelle création, et elle nous sanctifiera et nous perfectionnera. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu uniquement par adoption, mais nous sommes devenus enfants par la naissance spirituelle. Le don de l'Esprit de Christ dans nos cœurs nous remplit de l'autorité du Seigneur. L'effusion de cette autorité divine sur les croyants indique le fait qu'aucune puissance de ce monde et à la fin des temps ne peut les empêcher d'être remplis des attributs divins. Christ est l'auteur de la foi et celui qui la rend parfaite. On ne peut pas comparer les enfants de Dieu aux enfants du monde. Tout être humain a été engendré par un père et une mère, intentionnellement ou par une pulsion naturelle. Peut-être ont-ils prié ensemble et obéi à la direction de l'Esprit, mais tout héritage spirituel, psychologique ou physique de nos parents n'a aucune relation avec notre nouvelle naissance de Dieu, car le renouvellement spirituel est saint depuis le début et vient de Dieu, de qui tout chrétien est né directement, car il est notre véritable Père spirituel. Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.